Le jeudi 22 septembre, il est 12h30, ici Dominique Lelièvre pour les informations. D'abord, un deuxième transfuge caquiste quitte le bureau du premier ministre. Yann Plante est ancien chef de cabinet adjoint de François Legault. Il était accusé par son ancienne famille politique d'avoir volé des documents confidentiels. Il était devenu directeur des enjeux spéciaux et stratégiques pour le cabinet du premier ministre Philippe Couillard. Yann Plante a remis ce matin sa démission, même s'il maintient qu'il n'a rien à se reprocher. L'affaire rappelle celle de cet autre transfuge caquiste, Frédéric Choteau, qui s'était fait montrer la porte lui aussi pour des raisons similaires. Course au Parti québécois maintenant. À deux semaines de l'élection d'un nouveau chef, le candidat Alexandre Cloutier reconnaît désormais que la course est très serrée et que tout peut arriver. Un sondage Crop la presse montre ce matin qu'il est désormais au coude à coude avec Jean-François Lisée, ce dernier récoltant 36% d'appui chez les partisans péquistes, contre 37% pour son principal rival. Le sondage montre aussi que Lisée serait le plus susceptible de battre le Parti libéral. Si des élections avaient eu lieu cette semaine, un Parti québécois sous sa gouverne aurait obtenu 31% des voix, soit 2 points de moins que le Parti libéral, mais c'est que l'avance des libéraux aurait été de 9 points si Alexandre Cloutier avait été chef du Parti québécois. Scène municipale maintenant. Anne Guérette accueille favorablement la possibilité que l'avocat François Marchand puisse se présenter à la mairie de Québec. La conseillère municipale, qui est la seule candidate déclarée dans la course à Démocratie Québec, et au Soleil, elle a déclaré qu'elle voyait d'un bon œil la venue d'un nouveau joueur en la personne de François Marchand. Elle partage en fait, dit-elle, la volonté de Monsieur Marchand de déloger le maire Labeaume. L'avocat François Marchand qui a confirmé ce matin dans les journaux qu'il était en réflexion pour briguer la mairie l'an prochain, mentionnant qu'il a déjà fait de la politique municipale dans les années 80, en plus s'être présenté contre Jean-Paul Lallier en 1993. Et enfin, c'est la fin de ce conflit de travail à l'hôtel Delta à Québec. Une entente de principe est intervenue entre le syndicat et l'employeur. Quelques 150 employés sont concernés. Il faut mentionner cependant que les activités de 3 hôtels de Québec continuent d'être perturbées. Les employés de l'hôtel ainsi que du Hilton sont toujours en négociation pour leur convention collective, de même que les employés de l'hôtel Classique sur le boulevard Laurier qui ont déclenché hier une grève générale illimitée. Voilà pour CKRL, c'était les informations.